route. Prout, prout, caca. Oui, bonjour. Oui, c'est bon, Adrien. Ça te va comment je le fais? Je pense que je referai. Pardon. Vas-y, vas-y. Je pense que je referai un autre générique de début pour les fois qu'on en parle. Moi, je veux un générique de début où c'est Adrien qui fait la musique à la bouche. Ah oui, oui. Tu. Un épisode un peu spécial. Mes couilles sur ton front. T'as oublié le truc. Avant qu'on commence, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur le pouce bleu et de cliquer sur la petite cloche. Regardez tout le pan que j'ai pu regarder grâce à l'heure de fou. Bah moi je vais pleurer. Bonjour. C'était inattendu, je m'attendais à ce qui... tu vois, je m'attendais à de la médiocrité. Je pensais qu'ils allaient faire le boba juste sanguinaire qui va prendre sa revanche sur tout le monde et tous les buter et tout. Et non, on a droit à un boba communiste. Qui veut changer les choses. Non, non, rien, ouais. Bon, il veut tout, il veut quand même être le chef, mais au moins. C'est ça. Ouais, et des nouveaux, genre les espèces d'araignées du début, là. C'est pas des nouveaux. C'est des... Pas des humains. Du coup, c'est... Ouais, voilà, c'est super cool à voir. Les Twi'leks avec des couleurs différentes, ouh. Ils sont pas en train de danser à poil. Peut-être. Ouais, on dirait bien. Il y a de littorien. Oui. Des merdes. des bosques. Je l'avais genre il y a 5 minutes et puis plus maintenant. Pardon. Non, moi je regarde sur internet. Trandoshan. Tu verras, je te l'ai dit avant. Tu verras en réécoutant. Petit enfoiré. Il y a même un alien sur le trône. Oui, c'est le littorien. Parler, je crois pas, vite fait dans la cantina, mais je sais pas s'ils disent des trucs intelligibles. Donc en live action, je crois que c'est la première fois qu'on en voit un parler, oui. Le conseil de des Trandoshan là, il me fait marrer, je sais pas pourquoi. Ils sont tous assis là. Ah ouais? Il y a ceux qui ont des couilles. Ceux qui ont des couilles. Oui, c'est ça, mais. Les moches. Mais je parlais pas de ce moment-là. Hein. Il y a un moment où il est à table avec que des Trandoshans. Ah ouais? Ok, d'accord. Ouais, j'ai trouvé ça joli, j'ai trouvé que on s'y croit. j'ai rien noté qu'il nous sortait du truc ou que, ah oui, d'accord. Qu'il n'avait pas l'air à sa place. Non, j'ai trouvé aussi les lieux montrés intéressants. J'aime bien avoir d'autres vues du palais de Jabba, l'espèce de ville là, j'espère que c'est vraiment une autre partie de Tatooine, celle qui est plus habitée et pas la cambrousse de Luke. Pour être très intéressant. Ah oui, Pelgo. Mos Pelgo.

T'as Ahsoka qui débarque, tu sais, genre... Y'a pas un sarlacc qui traîne. Dithyrambique, ça veut dire très très content. Polarisé. C'est une coopérative. Bah, c'est quand même un plan où il défonce un crâne avec le bruit et tout. Oui. Mais si les gens sont pas d'accord, faut bien se défendre à un moment. Oui. Ouais, en plus. Oh, je suis juste en train de l'aider. Ah, et War of Bounty Hunter. Non, non. Bah ouais, mais en même temps, c'est plus le même aussi. Justement, c'était ça qui faisait peur, c'était que il avait l'air très différent dans le Mandalorian et j'avais peur qu'il retourne en arrière, mais... Ces animaux. Alors qu'en vrai, Fennec, elle les bouffe, tu vois, genre, mais c'est... c'est en dernier recours. Ouais. On s'était bien fait avoir. Ouais. En espérant que ce soit bien, et que ça continue comme il faut. Que ça parte pas du côté obscur. Je pense.